Tous les jours sur France Culture à 11h, Culture Monde, le magazine sans frontières, Florian Delorme. Cette semaine dans Culture Monde, nous allons nous intéresser au monde feutré et discret des diplomates, ces travailleurs de l'ombre qui fabriquent la politique étrangère des nations. À quoi servent les diplomates quand de grandes décisions sont parfois prises à grands coups de tweets? Quand les populistes de Trump à Salvini bousculent les codes ancestraux du langage diplomatique et quand les négociations pour stopper le conflit en Syrie apparaissent aux yeux du monde comme un terrible aveu d'échec. Le blues des diplomates, une série à retrouver cette semaine dans Culture Monde. Culture Monde, du lundi au vendredi à 11h et sur franceculture.fr. Et à 9h06 sur France Culture, on retrouve la fabrique de l'histoire avec vous, Emmanuel Laurentin, bonjour. Bonjour Catherine Dutu. Et vous ouvrez aujourd'hui une histoire, une série sur la faculté de punir. Exactement, la capacité de juger et de punir. Et aujourd'hui, nous allons traiter de la période médiévale. Premier temps d'une courte série d'émissions de la Fabrique de l'Histoire, puisque jeudi, il n'y aura pas d'émission en raison de la messe de Toussaint sur la capacité de juger et de punir au Moyen-Âge, à l'époque moderne, mais également à l'époque contemporaine. Demain, nous allons évoquer la Renaissance italienne et l'époque moderne. Mercredi, nous vous proposerons un entretien avec Philippe Sands, l'auteur du formidable Retour à Lemberg, dans lequel il s'intéresse à la ville qui a vu grandir l'inventeur de la notion de crime, de génocide, et également le concepteur de la notion de crime contre l'humanité. Et bien ce matin, nous avons le grand plaisir de recevoir deux historiennes du Moyen-Âge. D'abord, Claude Gauvard, professeur émérite à Paris 1, vice-présidente de l'Association pour l'Histoire de la Justice, qui nous livre un formidable travail resserré comme un ristretto, fruit de plusieurs décennies de travaux sur la condamnation à mort au Moyen-Âge. Puis, en deuxième partie de cette émission, Elisabeth Lucet, qui commence à travailler sous la houlette de Claude Gauvard, en duplex depuis Radio France à Lyon, nous expliquera ce que fut la justice monastique à la fin du Moyen-Âge à l'occasion de la parution de sa thèse chez Brepols. Cette thèse est titrée « Crimes, châtiments et grâces dans les monastère du Moyen-Âge, 12e, 15e siècle. Un anonyme du 15e siècle, l'ensemble La Reverdy, qui donc chante Misericordia Dulcissimo Dio. Bonjour à vous, Claude Gauvard. Bonjour, Emmanuel Laurentin. Et merci d'être avec nous, donc, pour votre livre Condamné aux morts au Moyen-Âge. La miséricorde, en l'occurrence, ça complique tout dans cette période médiévale par rapport à ce qu'ont pu connaître nos ancêtres romains et grecs. La miséricorde, ça vient complexifier toute cette question de la condamnation à mort. Absolument. Remontons à saint Augustin, si vous voulez, qui pense que jusqu'au bout, l'homme peut être sauvé. Jusqu'à la dernière minute, l'homme peut se repentir. Et, bien sûr, la miséricorde peut agir, puisque la miséricorde, c'est la fille de Dieu. Ouais. Et, par conséquent, elle peut sauver jusqu'au bout. Et ce qui est formidable, c'est que justement le roi s'attribue cette fonction, cette miséricorde. Cette fonction de miséricorde. On va en parler avec vous. C'est le fruit d'un très long travail, votre travail sur Condamné à mort au Moyen-Âge. Je dois dire que nous étions tous en attente. On se disait, mais quand va-t-il sortir? Ça y est, il sort. Ce petit livre, parce que tout compte fait, c'est un très long travail, mais vous avez, je l'ai dit, resserré comme un café italien. Il fait un peu plus de 300 pages. Mais en l'occurrence, c'est chacune des lignes de votre livre comporte des dizaines, voire des centaines d'heures de lecture, et on sent justement que c'est infusé comme un long travail et que vous avez pesé chacun des mots, chacun des exemples que vous utilisez dans ce livre, Claude Gauvin. Merci beaucoup, mais vous savez, je pense que je n'aurais pas écrit effectivement ce livre-là il y a 20 ans, et pourtant j'avais déjà pensé à la peine de mort. Et je le disais toujours, je vais écrire un livre sur la peine de mort. D'ailleurs, ça n'est pas tout à fait la peine de mort, c'est condamné à mort, c'est-à-dire finalement comment la société et les juges, l'administration si on veut dire, prendre un terme anachronique un peu pour le Moyen-Âge, va incorporer l'idée de peine de mort et l'appliquer, bien entendu. Le problème est de savoir combien de fois. Est-ce que c'est fréquent? Est-ce que ça ne l'est pas? Et ce livre, je l'ai porté, avec mes étudiants d'ailleurs, au cours de différents séminaires que j'ai pu mener à Paris 1. Et il m'a fallu beaucoup de temps, effectivement, pour le dominer, pour tirer les fils, ce que j'appelle tirer les fils. Savoir ce que la peine de mort doit à la société, de ce qu'elle doit à la justice, et ce qu'elle doit aussi aux criminels, quelque part, bien entendu. Alors, c'est une construction finalement très simple que vous nous offrez, avec quelques chapitres sur la peine, qui commencent toujours de la même manière, une peine acceptée ou imposée, une peine graciée, une peine régalienne, une peine justifiée, une peine fantasmée, ou encore une peine fréquente. Ce qui est très étrange quand on lit ce livre, Claude Gauvin, c'est que vous nous emmenez dans une terre inconnue. On croit la connaître, cette terre, on croit avoir des images du gibet de Montfaucon, des condamnations et des tortures qui sont infligées supposément à ceux qui sont sortis du droit chemin. Et en fait, vous nous montrez qu'on n'en connaît pas grand-chose au bout du compte, Claude Gauvin. Oui, vous savez, je pense que j'ai pris mon bâton de pèlerin quelque part pour montrer que ce Moyen-Âge-là, celui que nous avons dans la tête, qui est synonyme de barbarie, quand on dit moyenâgeux, ça veut tout dire. Hein. C'était aussi un notre propre fantasme. De rejeter, dans une période que nous ne connaissons mal, tout ce qui est noir, tout ce qui est difficile, et tout ce qui est cruauté. J'essaye de montrer, dans ce livre, que cette cruauté, elle existe, oui. Il y a de la violence au Moyen-Âge, il ne faut pas se leurrer. Mais ces gens du Moyen-Âge sont à la fois comme nous et totalement différents de nous. Ils n'ont pas le même rapport au temps, à l'espace. Ils n'ont pas le même rapport par rapport à aux valeurs, aux valeurs qui les relient entre eux. Nous avons depuis longtemps oublié le sens de l'honneur. Qui est fondamental. À fondamental à l'époque la qui fama. Nous intéresse. C'est ce qu'on appelle la fama. Quel est un sens juridique ou quel est un sens sociologique? Le sens sociologique est clair. Si vous injuriez quelqu'un, eh bien, il fallait répondre et riposter, démentir. Voilà le terme. Démentir. Tu as menti par ta sanglante gorge. Voilà le terme qui est sans arrêt employé pour riposter à l'agression verbale ou physique de quelqu'un qui vous a offensé. Donc il y a des valeurs très différentes des nôtres, et il faut partir de ces valeurs pour comprendre qu'on est dans une société à honneur, et que par conséquent la peine de mort a un sens propre à cette société-là. Et puis une société bien plus complexe qu'on ne le dit habituellement, avec des niveaux hiérarchiques très différents, avec des conflits à l'intérieur de ces hiérarchies, hiérarchie ecclésiastique d'un côté, hiérarchie laïque de l'autre, pouvoir du roi qui s'affirme progressivement sur le pouvoir des seigneurs. Et cette question de la justice est au cœur justement de chacun de ces pouvoirs, Claude Gauvin. Oui, parce que justement cette justice est très morcelée. Elle est morcelée avec autant de pouvoirs qui peuvent exister entre les villes, qui les ont acquis chèrement, ces privilèges de justice, en s'émancipant à partir du XIIe siècle, mmh. avec les justices seigneuriales qui, traditionnellement, ont accaparé, en quelque sorte, le pouvoir judiciaire de haut niveau, la haute justice, puisqu'on parle de peine de mort, c'est la haute justice, au-delà des amendes de 60 sous, avec la possession d'un gibet qui montre à tout le monde qu'on possède la justice. Et puis, vous avez la justice ecclésiastique, non pas celle de l'évêque ou des monastères en tant que seigneur, la justice ecclésiastique qui juge à partir du XIIe siècle de façon très stricte dans le cadre des officialités les clercs, d'abord, mmh. et puis un certain nombre de délits, de crimes, l'adultère, le rapt, et surtout, bien sûr, l'hérésie, la sorcellerie. Donc, on a des justices qui sont concurrentes, et qui sont, j'allais dire, concomitantes et concurrentes. Et puis, là-dessus, il y a le roi justicier. Mmh. Le roi justicier qui est une construction, qui s'impose petit à petit, non pas de façon linéaire, contrairement à ce qu'on peut raconter, mais qui s'impose quand même petit à petit par le biais de deux justices, l'une déléguée à ses tribunaux royaux, bailliage et sénéchaussée, mmh. et l'autre retenue, sur laquelle on a beaucoup moins travaillé, si ce n'est peut-être moi-même, la grâce, mmh. c'est-à-dire octroyer la miséricorde dont on parlait tout à l'heure. Oui, parce qu'on part de loin tout de même. Vous nous expliquez combien Foulque Néra vient au nez et à la barbe du roi Robert le Pieux assassiner dans sa propre cour, faire assassiner quelqu'un et au bout du compte ne pas être condamné par le roi. Foulque Néra qui est le comte d'Anjou à ce moment-là, c'est en 1008. Et vous nous expliquez qu'entre 1008 et le début du 14e siècle, il y a un oui. profond chamboulement, effectivement, et oui. que le roi va petit à petit grignoter du pouvoir sur ses autres justices pour pouvoir justement acquérir ce droit de la justice royale et le développer contre les seigneurs, contre les autorités ecclésiastiques, contre les villes, progressivement, Claude Gauvin. Oui, et ça n'a pas été sans mal. Ça n'a pas été sans mal parce que le roi, si vous voulez, est quand même aussi le premier parmi les nobles. Et l'exemple que vous donnez avec Foulque Néra est un grand noble. Donc le roi le respecte, il n'a aucun moyen pour le contredire. Mais en même temps, est-ce qu'il en a envie? Voilà la grande question. C'est possible qu'il respecte aussi les règles nobiliaires. Et puis, regardez ce qui se passe avec Louis IX, donc Saint-Louis, et le sire de Coucy, les fameux pendus du sire de Coucy. Le roi n'arrive pas, même à imposer le biais de l'enquête. On est quand même au milieu du XIIIe siècle. Et puis, petit à petit, les choses vont différentes. Et on peut dire qu'au XIVe siècle, d'abord, il y a le basculement du règne de Philippe le Bel, qui est un point politique très fort avec l'arrivée des légistes au pouvoir. Et par conséquent, l'affirmation d'un droit romain, le roi est empereur en son royaume. Mmh. Hein. Et puis, vous avez les événements aussi des guerres des 14e et 15e siècles qui développent les traîtrises, voilà. hein, guerre civile et guerre de 100 ans. Et là, on voit pour la première fois, au cours du 14e siècle, et là, Philippe VI, c'est très important, 1343, par exemple, la décapitation du sire de Clisson déclaré traître. Philippe VI est celui qui a le plus, si vous voulez, qui s'est opposé le davantage aux nobles, beaucoup plus que les autres rois précédents. Oui, Philippe VI, c'est celui qui exécute, dites-vous, ceux qui menacent la majesté royale. Tout à fait. Et là, on est arrivé, non pas à un terme, puisque ça va continuer tout au long de l'époque dite moderne, mais en tout cas à une évolution assez majeure dans ce pouvoir du roi vis-à-vis de la condamnation de ses propres sujets, en particulier cette condamnation à mort. Vous nous expliquez effectivement, et c'est là où c'est une terre étrangère, que les crimes ou les délits qui donnent lieu justement à ces condamnations sont des crimes et des délits qui n'ont pas grand-chose à voir avec ceux qui, jusqu'à il y a encore une trentaine d'années, donnaient lieu à des condamnations à mort. Il y a des crimes de vol qui peuvent donner lieu à des condamnations à mort. Il y a évidemment tous les crimes sexuels qui peuvent donner lieu à des condamnations à mort. Mais disons que le registre des peines est parfois peut nous paraître étrange, voire étranger, en l'occurrence Claude Gauvard. Oui, c'est, si vous voulez, effectivement, vous voyez par exemple une condamnation à mort pour une servante ou un serviteur qui a volé son maître. Bon, le vol peut vous paraître, c'est une écuelle, c'est... Des choses. Des objets qui sont pas... une étoffe, hein, un morceau d'étoffe. Bon, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? La notion de traîtrise. Un serviteur ne doit pas voler son maître parce que il lui doit fidélité. Donc, on a des notions qui sont effectivement différentes des nôtres. Est-ce que, alors, le vol, on prend un exemple là qui est très complexe, parce que le vol peut être aussi très facilement absous. Si vous volez en cas d'extrême nécessité, vous pouvez très bien ne pas être poursuivi. C'est le décret de Gratien qui est appliqué. Et je dis toujours que cette jeune femme qui avait volé dans le supermarché il y a quelques années n'aurait jamais été condamnée à mort à l'époque médiévale. Mmh. Oui, alors il y a effectivement cette question du vol, mais cette question du vol ramène à des références effectivement chrétiennes. On sait avec le travail du voleur de paradis de Christiane Clapiche-Joubert combien la figure du bon larron s'impose progressivement. Et tout compte fait, le bon larron, c'est celui qui, auprès du Christ, reconnaît ses erreurs, tandis que le mauvais larron ne les reconnaît pas. Et ce bon larron, il va même être allé jusqu'à un certain moment, être sanctifié dans des évangiles apocryphes. Mmh. Et au bout du compte, ce bon larron, c'est l'exemple même qui permet la miséricorde qui autorise justement à ne pas être condamné alors qu'on l'aurait été sans cet acte de contrition, Claude Gauvard. Oui, je pense que là, on touche un problème justement très important de du sujet, à savoir que l'Église est prise entre deux pôles. Soit, effectivement, on peut condamner à mort, elle peut autoriser la condamnation à mort en livrant celui qu'elle veut faire condamner à mort au bras séculier, soit elle prône la miséricorde jusqu'au bout. Et on voit, j'espère l'avoir montré, à travers un personnage comme Jean Gerson, grand théologien du début du XVe siècle, combien c'est complexe. Gerson dit, mais attendez, vous le condamnez pour vol, là. Mais ça n'est pas dans l'Évangile, ça n'est pas dans la loi de Dieu. Et puis en même temps, il va finir par dire, eh bien finalement, si on condamne à tort quelqu'un, eh bien c'est peut-être pas plus mal, parce qu'au bout du compte, Dieu le reconnaîtra. Et oui, parce qu'effectivement, la justice suprême, c'est la justice divine. Oui, c'est pourquoi donc se substituer à Dieu ? C'est une des questions qui se pose régulièrement à tous ces juristes, à tous ces clercs qui vont juger au Parlement de Paris, parce qu'on ne l'a pas encore dit, vous vous fondez, pour votre travail condamné à mort au Moyen-Âge, vous vous fondez beaucoup sur les règlements et les jugements du Parlement de Paris, et en particulier du Châtelet de Paris. Il y a une série qui vous a permis justement d'élaborer une vision de cette condamnation à mort au Moyen-Âge. Alors, justement, ces juges du Parlement. Donc, je rappelle que le Parlement, c'est le tribunal suprême du royaume, institué par Louis IX et ensuite étayé par ses successeurs, affermi par ses successeurs. Et cette cour de justice juge en appel. On a longtemps pensé qu'il n'y avait pas d'appel pour la condamnation à mort, ce qui est absolument vrai, mais en même temps, il y a des façons de contourner. Si un juge a mal jugé, et en particulier s'il a mal jugé un clerc, il y a des tas de façons d'appeler au Parlement. Les juges vont reprendre la condamnation première et vont dire, attention, regardez comment il a bien jugé ou s'il a mal jugé. Et les avocats vont développer des arguments. Ils vont développer, d'ailleurs avec une mauvaise foi évidente, et des stéréotypes fabuleux dont je parle en montrant qu'il ne faut surtout pas prendre à la lettre leur discours. Mais ce qui est important, c'est que tout cela est grossi et les juges du Parlement vont statuer. Et qu'est-ce qu'ils font ? Dans la plupart des cas, c'est une sentence interlocutoire. Il n'y a pas beaucoup de sentences définitives. Ils condamnent très peu à mort. Il condamne à une amende, amende profitable, amende honorable. Voilà. Alors là, justement, il condamne essentiellement à l'amende honorable et profitable. Alors, profitable, c'est l'argent. L'amende honorable, on a dit longtemps, et on enseigne encore, je pense, que c'est une peine archaïque. Mais c'est fabuleux comme invention. Dans une société de l'honneur, on va obliger celui qui a commis un crime à se mettre en état de pénitent, donc en chemise, sans chaperon, donc sans chapeau, sans ceinture, les pieds nus, et à crier merci. Merci à qui ? Non pas, comme dans le passé, d'abord à la victime, aux parents de la victime, mais d'abord au roi, à la justice et à ses tribunaux. Et puis, en dernier lieu seulement, à la personne privée. C'est-à-dire que finalement, l'amende honorable fait rentrer la peine, qui n'est pas la peine de mort, justement, une peine de substitution, dans le champ, dans le giron de la justice publique. Un extrait d'un motet de Philippe de Vitry, Aman Novi Proba, donc du début du XIVe siècle. Philippe de Vitry était évêque de Meaux. Par l'ensemble Sequentia, on y fait une allusion brève au gibet de Montfaucon. Aman Novi Proba, un motet de Philippe de Vitry avec deux mots au XIVe siècle par l'ensemble Sequentia. Nous sommes avec vous, Claude Gauvard, pour votre livre « Condamné à mort au Moyen-Âge » en ouverture d'une série d'émissions sur la justice et sur le droit de punir et de juger. Nous allons tout à l'heure être rejoints par Elisabeth Lucet qui vient de publier « Crime, châtiment et grâce » dans les monastères du Moyen-Âge chez Brépol, c'est sa thèse. Et nous sommes avec vous pour essayer de réfléchir à l'étrangeté de cette société médiévale. Vous nous disiez effectivement qu'il y avait à la fois les villes, les autorités ecclésiastiques, l'autorité royale qui s'affirmait peu à peu. Et vous avez ramassé dans ce livre « Condamné aux morts au Moyen-Âge » tout un tas de faits qui, au bout du compte, font un tableau synoptique de ce qu'est cette société médiévale entre le XIIIe et le XVe siècle, en particulier de cette volonté des villes de garder la main là où le roi veut la reprendre d'une certaine façon. Et vous expliquez combien la question de la grâce royale, ce sur quoi vous avez beaucoup travaillé, Claude Gauvard, cette question de la grâce royale est en débat parce que tout compte fait, voilà des villes qui ont l'autorité judiciaire qu'elles ont obtenue au XIIe siècle pour la plupart d'entre elles et qui se voient reprendre cette autorité judiciaire par un roi qui dit « mais j'ai le droit de grâce, je suis le représentant de Dieu, je peux donc accorder la miséricorde divine sur celui même que vous avez condamné à une peine irrémissible ». Absolument. Alors les villes condamnent à mort, hein, mais elles condamnent aussi au bannissement. Alors, c'est une situation tout à fait paradoxale, et on comprend très bien leur ire en ce début du XIVe siècle, au moment où s'impose la grâce royale, puisque la grâce royale, la première lettre de rémission octroyée par le roi, c'est 1304, c'est le règne de Philippe le Bel, et puis à partir de 1330, il y en a beaucoup plus. Mais on condamne au bannissement. Donc la personne est condamnée, fuite, voilà. Elle n'est pas condamnée à mort, mais non, elle ne doit plus jamais revenir dans la ville. Le roi arrive dans la ville, ou bien celui qui a été banni obtient une lettre de rémission. Mais si le roi arrive dans la ville, c'est encore plus simple. Le banni va revenir dans la ville. pour se faire gracier par le roi qui entre dans la ville. C'est arrivé plusieurs fois. La preuve, c'est que la ville de Douai, par exemple, dit « Mais obtient de Jean le Bon le fait de ne pas gracier des gens qui ont été bannis. » C'est quand même bafoué, la justice urbaine, que de gracier... Alors, un peu comme l'ange qui fait sortir Saint-Pierre de prison, si vous voulez. Hein, le roi fait sortir de la prison éventuelle où sont les détenus ceux qu'il veut, qui sont graciés grâce à lui. Voulant préférer miséricorde à rigueur de justice. Ça, c'est formidable. C'est Charles VI qui dit cela. Tous. Pratiquement tous. Ou voulant, si vous voulez que je brode, ça peut être voulant pitié et miséricorde. Voilà. Et vous dites que c'est une création originale, cette phrase, préférer miséricorde à rigueur de justice, de la chancellerie royale française, et qu'on ne le trouve pas dans d'autres chancelleries aux alentours. Aussi, parce que les chancelleries princières ont fini par copier. Hein, vous trouvez ça aussi chez le duc de Bourgogne, mais c'est un petit peu plus tardif. On peut dire que vraiment la matrice, c'est la chancellerie royale. Et c'est extraordinaire, les lettres de rémission. Vous savez, je peux encore en prendre une encore demain que je n'ai encore pas lue parce que je ne les ai pas toutes lues et avoir autant d'extase devant le texte parce que c'est savoureux et en même temps, c'est d'une rigidité rituelle. C'est un rite. Hein, c'est un rite de grâce. Nous voulons pardonner et pardonnons, etc. Et vous avez une litanie comme dans une prière. Mais non seulement il pardonne, mais il rétablit la fama. Oui, absolument. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. On a perdu sa réputation, on a perdu son honneur, on a été condamné par une justice, et le roi, du haut de sa superbe, peut dire « je vous rétablis votre honneur ». Voilà, je vous rétablis dans votre fama, votre pays et vos biens non confisqués. Et donc on redonne les biens qui ont été confisqués à certains moments de jugement. Voilà. Et j'impose silence à tous mes justiciers. Silence perpétuel à tous mes justiciers. Alors, évidemment, le problème est de savoir si c'est appliqué ou si ça ne l'est pas, mais ça l'est. Ça l'est puisque la lettre est ensuite, si vous voulez, rediscutée sur place par les tribunaux royaux et par les autorités et acceptée par la parenté de la victime. Alors, la parenté de la victime, elle n'est pas pour rien dans ces affaires, parce que vous expliquez bien que le peuple joue un rôle ces questions de condamnation à mort, que ce peuple il est actif, que la famille est active aussi, que elle peut obtenir, par exemple, qu'une noyade ait lieu à un moment donné où il n'y a pas trop de monde pour qu'au bout du compte, on n'ait pas sa propre fama de famille n'ait pas été touchée par la condamnation à mort de celui qui a été condamné par un tribunal. Et par exemple, on peut demander la dépendaison du maire de Montreuil, à savoir Arnaud Le Larron, qui portait, je ne sais pas s'il portait bien son nom, maire de Montreuil, été dépendu et obtient le droit d'être enterré en terre sainte, c'est-à-dire en terre chrétienne, alors même que tous ses congénères, ceux qui ont été pendus en même temps que lui ou après lui, sont encore pendus au gibet et voient leurs os blanchir au soleil. Oui, je pense que si vous voulez, il y a. Alors, vous avez bien fait de parler justement de la noyade, parce que la noyade, c'est compliqué là aussi. On peut condamner à la noyade, mais on peut aussi substituer la pendaison, la noyade à la pendaison, parce que être pendu, vous êtes là aux yeux de tous, jusqu'à décomposition complète du corps. Tandis que quand vous êtes noyé, j'allais dire, c'est un petit peu moins spectaculaire. Ce qui compte, c'est le public. Parce que la fama dont on parlait, la renommée, l'honneur en quelque sorte de ces populations ordinaires, tout se passe en public. C'est le public qui vous fait ce que vous êtes. Et qui peut faire pression sur les juges pour pouvoir justement défaire un jugement parce qu'on considère qu'il n'est pas assez fort ou au contraire faire sortir des griffes de la justice quelqu'un qui a été condamné. Oui, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, le peuple... Parce qu'il y a un rituel de la peine de mort, justement, qui fait appeler le peuple tout du long du passage, du cortège. Alors on dit toujours, c'est pour terrifier, c'est pour l'exemple. Mais non. Oui et non. Oui et non. Oui, il y a l'exemple. Il y a l'exemplarité, bien évidemment. Mais il n'y a pas une peur panique de la peine de mort, j'essaye de montrer justement dans ce livre que la peine de mort de cette époque-là, c'est un lynchage bien exécuté, organisé par les services publics, par la ville ou par le roi ou par les seigneurs, et de façon finalement relativement rare. Et donc, bonne organisation signifie qu'on ne veut pas une anarchie, par exemple. On ne veut pas, dites-vous, l'anarchie du corps pendu à la branche s'oppose à la justice régulée du gibet. Parce que le gibet, eh bien, c'est une justice dont on sait ce qu'elle est, ecclésiastique, royale ou urbaine. Mais en tout cas, il y a donc une justice de ce côté-là. Et de l'autre côté, si le corps est pendu n'importe comment à un arbre, ça ne va pas. Non, je pense que c'est justement c'est une justice que j'appelle apprivoisée. Voilà. Et le gibet est le lieu où on apprivoise la peine de mort. C'est le terme, si vous voulez. Et jusqu'au bout, le peuple qui est là, qui n'a pas envie que celui qui est condamné soit condamné, peut crier au miracle. La corde peut casser. Tomber, se casser, l'échelle peut se casser, la corde peut être trop courte ou pas adaptée, le bourreau peut avoir fait mal son travail. Et vous insistez beaucoup surveillé. Sur le métier du bourreau, justement. Le bourreau est très surveillé, et par conséquent, jusqu'au bout, le peuple peut agir. Et puis, vous insistez beaucoup, et c'est cela aussi qui est très riche dans votre travail, à la fois sur le pouvoir des mots. Il y a beaucoup de pages dans votre livre Condamné à mort au Moyen Âge sur le pouvoir des mots, les mots du juge, les mots des avocats, comment d'une certaine façon les mots désamorcent la vengeance et la violence. Mais vous insistez aussi sur le pouvoir du roi qui va pouvoir exécuter, en particulier pour les crimes politiques, avec une cruauté qui est assez rare parfois, parce qu'il faut bien montrer qu'il est le roi. Et vous nous donnez l'exemple de Simon Pouillet, par exemple, bourgeois de Compiègne, découpé en morceaux comme la chare en la boucherie, et cela devant les Halles de Paris. Oui, alors justement, c'est très intéressant, les crimes politiques. Mais c'est particulier. C'est particulier, mais ça... Alors là, pour le coup, il y a une forte exemplarité, bien évidemment. C'est un coup de tonnerre, si vous voulez, quelque part. Simon Pouillet, c'est effectivement un cas extrême de cruauté. Et même le religieux qui écrit les grandes chroniques anonymes, donc les grandes chroniques, montre que finalement c'est trop, et que ça annonce les malheurs de la guerre de Cent Ans. On est en 1346. Voilà, 1346. Donc deux ans avant la grande peste dont on parlait la semaine dernière. Et puis Crécy. Et Crécy, la bataille de Crécy, enfin la défaite de Crécy et la grande peste. Donc c'est mal vécu. Parce que c'est un coup de tonnerre. Mais en même temps, et là, c'est très intéressant que ces exécutions aient lieu à l'intérieur de la ville. Pas au lieu du gibet, à l'intérieur de la ville. La foule est là, terrorisée sans doute. Émotion évidente du public, décrite en tout cas par les chroniqueurs. Mais en même temps, si on a appris à cette foule que celui qui est condamné est traître. Oui. Est-ce que vous croyez que dans une société d'honneur, on ne sait pas ce qu'est la traîtrise ? Bien sûr que si. Et par conséquent, il est traître au roi. Et du coup, la foule se met du côté de la royauté. Et va même en ajouter, s'il y a une mise au pilori, et c'est le cas pour les clercs qui ont trahi, la foule peut jeter des pierres, de la boue et... ces malheureux finissent par mourir, moins de la prison qu'ils subissent que des coups qu'ils ont reçus. Ce qui est formidable dans votre livre « Condamné à mort au Moyen-Âge », Claude Gauvard, c'est qu'on y trouve une foule, c'est le cas de le dire, mais vous redonnez des noms à tous ceux qui sont morts ou qui ont été condamnés. On y retrouve, donc, je l'ai dit, Arnaud Le Larron, on y retrouve Persson Berdelet, boucher aisé de Reims qui tente d'acheter la capacité de ne pas être pendu. Et il le sera malgré tout parce qu'il n'a pas bien travaillé à sa réhabilitation. Et on y trouve Perrin Alloyer ou encore Colin L'Enfant, personnages dont vous nous avez déjà parlé de Colin L'Enfant ici même à ce micro, mais Perrin Alloyer, vous dites en fait, ceux qui sont exécutés la plupart du temps, eh bien ce sont ceux qui sont les plus déliés de la société, oui, les plus pauvres, ceux pour lesquels la fama est déjà à l'écart de leur parcours, puisque on les considère comme des étrangers, on les considère comme des gens qui sont sans lien, et à partir de ce moment-là, eh bien, on peut aller jusqu'à les condamner à mort. Oui, et le clerc criminel qui assiste au Châtelet à la pendaison termine par cette phrase, et ils n'avaient aucun bien. Ils ne peuvent pas être vengés, ce qui est très important. Ils peuvent être inutiles au monde comme Colin L'Enfant. Colin L'Enfant, inutile au monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une catégorie de la société, et c'est là où la société médiévale est extrêmement dure. Il y a une catégorie de la société qui est hors société, asociale. Ce sont ceux que Nicolas Rem, glosant Aristote, appelle les banoses. Ils font le mal dès l'enfance. Ils s'adonnent au mal et ils continuent toute leur vie à fréquenter les tavernes, les prostituées, à voler, à récidiver. La récidive, ils deviennent incorrigibles. Donc, effectivement, inutiles au monde. Voilà donc ce qu'on peut lire dans votre condamné à mort au Moyen-Âge, donc Claude Gauvard, et bien d'autres choses, parce que je le dis, c'est un livre qu'il faut avoir auprès de soi si on veut comprendre ce qu'est cette société entre le XIIIe et le XVe siècle, cette société sur laquelle vous avez travaillé depuis si longtemps et sur laquelle travaille aussi une de vos anciennes étudiantes, Elisabeth Lucet, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous depuis les studios de Radio France à Lyon. Vous êtes auteur donc de votre thèse qui est parue l'année dernière chez Brepols, Crime, châtiment et grâce dans les monastères au Moyen-Âge. Vous avez commencé à faire, je crois, votre maîtrise avec Claude Gauvard, puis ensuite vous êtes parti avec d'autres maîtres qui vous ont dirigé donc pour votre thèse en l'occurrence. Et vous étiez avec nous très récemment pour évoquer le très beau travail que vous avez mené avec Isabelle Lelandena, Julie Clos et Falk Breitschneider, donc sur l'histoire comparée des enfermements monastiques et carcéraux, avec en particulier ce site que l'on a, donc ce webdoc que l'on a à disposition sur le site de France Culture. Vous avez travaillé sur ces enfermements monastiques et sur les crimes qui y étaient commis en vous posant une question relativement semblable à celle de Claude Gauvard. Peut-on aller au-delà des idées reçues sur ce qui se passait dans ces monastères, en l'occurrence Elisabeth Lucet? Alors oui, le but était d'examiner une justice, un type de justice médiévale. Hein. Claude Gauvard a rappelé le nombre de justices concurrentes, concomitantes qui existaient dans la société médiévale, en s'intéressant à un microcosme tout à fait particulier qui est celui des monastères. C'est un microcosme particulier parce que c'est une forme de justice ecclésiastique encore particulière par rapport à celle des officialités. Et le but était de comprendre comment ce microcosme gère la déviance, le crime, lorsqu'il advient dans une société, les moines, la société monastique, qui est censée aspirer à la perfection, mais qui connaît aussi des formes de déviance et de criminalité. Oui, et vous expliquez très bien combien, eh bien, il y a d'abord évidemment la façon de battre sa coulpe dans le chapitre, devant ses frères et devant son abbé, mais ensuite que l'on monte à des niveaux supérieurs, les chapitres généraux des ordres religieux qui s'instituent à partir du XIIIe siècle, et également le regard que peut porter l'évêque et les évêchés sur l'épiscopat, sur ce qui s'est passé dans ces monastères, mais aussi parfois le pouvoir laïque ou le pouvoir royal, et que en fait chaque crime ou déviance commise dans les monastères, eh bien, est susceptible de trouver plusieurs niveaux de juridiction. Et donc, celui ou qui s'est adonné, ou celle, parce que vous travaillez aussi sur les monastères féminins, qui s'est adonné à une déviance, risque de tomber sous le coup de justice très différente, avec des sanctions différentes aussi, Elisabeth Lucet. Oui, alors si on schématise un petit peu, hein, au Moyen-Âge, ceux qui sont responsables d'administrer la justice dans les monastères, c'est d'abord l'abbé et l'évêque dans lequel le monastère, enfin l'évêque du diocèse dans lequel le monastère est si. Ce qui change à partir du XIIe siècle, c'est que ces monastères se fédèrent en ordre religieux, hein, ce sont les cisterciens, les clunisiens, les chartreux, les prémontrés, et que à partir du moment où ces monastères se fédèrent en ordre religieux, apparaissent de nouvelles instances de gouvernement, qui sont les chapitres généraux, qui aspirent à justement discipliner l'ensemble des membres du monastère, et cela passe par la construction d'une justice où les chapitres généraux vont légiférer sur quels sont les crimes qui peuvent être simplement corrigés dans l'enceinte du monastère et quels sont ceux qui doivent être systématiquement rapportés à l'échelle de l'ordre ou à l'échelle donc du diocèse de l'évêque, voire pour certains cas, hein, doivent être jugés par le pape, ou en tout cas, où on peut recourir au pape pour soit les juger, soit les absoudre. Et on voit bien effectivement qu'avec ces divers niveaux de hiérarchie, on se retrouve dans les mêmes affres que ce qui était décrit tout à l'heure par Claude Gauvard. Eh bien, on ne sait pas très bien à quel jugement on peut prétendre, parce que il y a des conflits entre tous ces niveaux hiérarchiques. Par exemple, si l'évêque à la bonne idée ou la mauvaise idée d'envoyer un envoyé dans un monastère, il se peut que l'abbé du monastère demande à ses moines de se taire, par exemple, de ne pas, disons, contribuer à l'enquête qui est menée par l'évêque, parce que ça donnerait une mauvaise fama, une mauvaise réputation à son propre monastère, Elisabeth Lucet. Alors la fama effectivement est essentielle également dans les communautés monastiques. Hein. Il s'agit donc d'hommes et de femmes qui aspirent à la perfection, qui sont des clercs et dont le capital d'honneur rejaillit sur l'intégrité de l'Église. Donc la culture du secret est très forte. Hein. Il ne faut pas que, si le déviance il y a, il faut éviter à tout prix que les fidèles alentour apprennent ce qui se passe dans le monastère. Oui, parce qu'on pourrait instiller le doute sur la qualité de ces hommes d'Église et au bout du compte, à partir de ce moment-là, sur même la puissance elle-même de l'Église en l'occurrence. Oui, donc l'Église est prise entre deux feux, c'est-à-dire que d'une part, elle cherche à sanctionner les déviances, et dans le même temps, le fait de punir et de faire connaître la peine qu'on imposerait par exemple à un moine homicide risque d'être encore plus délétère que le crime lui-même. C'est-à-dire faire connaître le fait qu'on a des moines homicides dans un monastère peut être encore plus dangereux et pervertir encore plus l'ordre ecclésiastique que le crime lui-même. Et donc l'Église est prise entre deux feux. Il faut à la fois punir ces clercs, ces moines, ces moniales criminels, et en même temps, si le crime n'est pas connu, eh bien, peut-être qu'il vaut mieux leur faire pénitence et les pardonner plutôt que de les punir. Oui, et par exemple, les envoyer dans un autre monastère pour, d'une certaine façon, avoir une alternative à la condamnation, à l'emprisonnement, et donc, à partir de ce moment-là, faire se déplacer celui qui a commis ou celle qui a commis un crime ou un délit. Oui, alors pour expliquer les choses, hein, il faut bien comprendre que l'impératif de l'Église, c'est à la fois rétablir l'ordre, mais aussi éviter la contagion au sein de la communauté. On est dans des sociétés fermées où il ne faut pas que le fait que l'un se mette à pécher ou à commettre des crimes donne le mauvais exemple aux autres. Mais il faut aussi s'occuper du salut du coupable. Mmh. Et donc, alors que dans les règles du Haut Moyen-Âge, on prescrit plutôt d'expulser le moine qui se serait montré incorrigible au terme d'un processus gradué, de mise à l'écart, hein, on n'expulse pas tout de suite quelqu'un, à partir du XIIIe siècle, l'Église hésite à expulser ses moines et met en place des formes de mise à l'écart au sein de la société close. Donc ça va être à la fois enfermer le moine ou la moniale dans une prison qui se trouve à l'intérieur du monastère, ou le transférer dans un autre monastère. Pour culpa, c'est ça ? Voilà, un transfert pour faute, un transfert pénitentiaire, une sorte d'exil, sauf qu'on n'envoie pas le moine vagabonder sur les routes, on le on le transfère dans une autre communauté, souvent très éloignée de celle où il était. Et c'est une forme de ban. On pourrait faire un parallèle avec le bannissement que connaît la société laïque. Et puis il y a évidemment les fautes, l'excommunication, la remise parfois au pouvoir séculier, Elisabeth Lucet. Mais une des questions qu'on se pose quand on vous lit, c'est de se dire voilà, quels sont les crimes qui sont soumis justement à toutes ces inculpations de moines et de moniales. Et vous nous expliquez que ça n'est pas toujours ce que l'on croit là non plus. Les crimes principaux sont des crimes qui sont non pas imperméable à la clôture du monastère, mais au contraire extrêmement perméable. Ce sont les mêmes crimes, ou presque, que l'on peut trouver dans la société civile aux alentours. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que donc dans un monastère où le poids des normes est omniprésent, hein, tout est susceptible d'être qualifié de déviance ou de crime. Hein, on a une frontière très poreuse entre le péché et le crime, et donc on sanctionne tout type de comportement, hein, les infractions à la chasteté, les infractions à l'obéissance. Mais moi, ce qui m'intéressait justement, c'était de prendre en compte des infractions, des crimes qui sont communs à la société monastique ecclésiastique et à la société laïque. Et donc, je me suis intéressée principalement au cas de violence qui vont de la gifle au coup asséné au supérieur ou à son confrère, aux homicides, au cas des moines incendiaires, des moines faussaires. Donc mon but était de comprendre un petit peu effectivement comment on peut observer ou pas une forme de porosité entre ce monde particulier du cloître et la société alentour. Et vous avez eu la chance, enfin c'est une chance travaillée évidemment, parce qu'on n'a jamais de chance quand on est chercheuse ou chercheur, et c'est parce qu'on connaît les fonds que l'on découvre des magnifiques témoignages. Vous avez par exemple l'enquête sur la violence du prieur de Wittumweven en 1281, avec 16 dépositions qui ont été remises, enfin entendues par l'archidiacre de l'évêché de Worcester, qui a dû donc juger de ce cas de violence, un cas très simple de bagarre, le prieur donc qui tape sur un de ses proches et qui lui casse le nez en l'occurrence. Alors, le prieur dit qu'évidemment ça n'est pas le cas, il ne l'a pas fait, mais en tout cas au bout du compte il y a une discussion et surtout une déposition de tous les témoins, et là on voit combien cette question du témoin dans cette société est importante, en l'occurrence Elisabeth Lucet. Oui, alors le cas de ce prieuré est assez particulier parce que c'est un tout petit prieuré anglais qui dépend d'une abbaye normande, l'abbaye de Conches, où il n'y a que deux moines, hein, le prieur et le moine en question, qui manifestement ont du mal à cohabiter les uns avec les autres. Et donc dans ce cas précis, l'évêque, lorsqu'il doit enquêter sur la mauvaise rumeur, hein, les serviteurs sont allés saisir la justice locale pour dire que ça se passe mal dans le prieuré, eh bien cet évêque est obligé d'interroger les témoins qu'il a sous la main, et donc il doit faire sortir l'affaire de l'enceinte du monastère, du prieuré, et donc il interroge effectivement tous les tenanciers, tous les domestiques, pour savoir ce qui s'est passé exactement et pour savoir si on peut caractériser le coup donné par le prieur de correction, hein, si cette correction était licite, s'il avait le droit de taper effectivement sur son subordonné, ou si il a excédé son autorité en frappant son frère. Oui, ce n'est pas la correction fraternelle que l'on appelle de ses voeux généralement dans un monastère qui est pratiquée ici, mais vous nous expliquez aussi combien la machination d'Étienne d'Alnoy, donc moine de Souvigny, pour se venger, donc en 1332, l'a poussé à introduire sa propre concubine dans le lit du prieur qu'il voulait faire accuser d'adultère, etc., etc. Vous avez quand même quelques cas qui sont des cas importants qui vous permettent de réfléchir justement à cet enchevêtrement de justice entre justice propre au monastère, justice épiscopale et parfois donc remise au bras séculier, au pouvoir séculier, pour pouvoir donc se débarrasser de quelqu'un qui était sorti de sa voie religieuse, Elisabeth Lucet. Alors, ce qui est intéressant à partir du XIIe siècle, c'est qu'effectivement, on a donc une superposition de justice qui permet notamment à des moines qui auparavant, pour schématiser un petit peu, étaient soumis à l'autorité unique de leur abbé, eh bien, de faire appel à des autorités supérieures à leur abbé pour parfois contester leur pouvoir. Donc le cas d'Étienne Dalmé, c'est quelqu'un qui effectivement veut se venger de la punition de son supérieur et essaie de effectivement de diffamer son supérieur en plaçant sa concubine dans le lit du prieur. L'enquête finit par montrer qu'il s'agit probablement effectivement d'un complot et les moines ont quand même du mal à contester l'autorité de leur supérieur. Mais l'existence d'une justice supérieure au sein des ordres religieux leur provoque un appel d'air et permet en fait une redistribution des rôles au sein du monastère. Et on peut aller jusqu'au pape, effectivement, au début du XIIIe siècle, avec la pénitencerie apostolique. Vous expliquez bien combien Innocent III invente un recours ou un appel supérieur, même l'appel suprême, pourrait-on dire, pour un moine de monastère. Alors, c'est pas tout à fait une justice d'appel. La pénitencerie, c'est un peu le pendant de l'inquisition. C'est-à-dire que dans une église où le poids des normes canoniques est extrême, eh bien, il s'agit d'introduire de la miséricorde dans les rigueurs de la justice. Et donc, il est possible pour tout fidèle, pas simplement les moines, de pétitionner le pape. C'est un peu l'équivalent des lettres de rémission, mais pour le pape. Il est possible pour ces fidèles d'écrire au pape pour demander à ce que leurs crimes et leurs péchés soit absous, remis, éventuellement quand on est un moine, que la peine de prison soit levée. Et c'est pour les historiens qui travaillent sur l'histoire du monachisme une source très précieuse parce que ces récits nous donnent accès, entre-ouvre la porte du cloître qui est parfois difficile à ouvrir. On a accès du coup à des récits de gens qui, donc comme ils confessent leurs crimes, expliquent comment, à l'issue d'un repas au réfectoire un peu trop arrosé, ils s'en sont pris à leur voisin. Dans le droit canonique, quand on lève la main sur un clerc, on est excommunié automatiquement. Et cette excommunication, en théorie, ne peut être levée que par le pape. Et donc, par ce biais-là, par ce pouvoir de réserve que le pape a, eh bien, il met la main, il connaît des infractions et met la main sur la discipline des monastères. Merci Elisabeth Lucet d'être venue nous présenter brièvement votre crime, châtiment et grâce dans les monastères au Moyen-Âge, un livre donc publié chez Brepols. On en apprendra bien plus si on se penche sur ce livre, donc comme sur Le condamné à mort au Moyen-Âge de Claude Gauvard, Paris, aux presses universitaires de France. Merci à toutes les deux d'être venues nous lever quelques idées reçues sur le Moyen-Âge et d'avoir parlé de miséricorde et de fama pendant presque une heure sur France Culture entre 9h et 10h. Merci à vous, Claude Gauvard. Merci beaucoup, Emmanuel Rantin. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Céline Leclerc et Aurélie Marsay. Inès De Bruyne nous a accompagnés aujourd'hui à la technique et Anne Fleury à la réalisation. Demain, nous avancerons dans le temps pour cette semaine courte de la Fabrique de l'Histoire autour de la question de la capacité de juger. Et bien demain, nous évoquerons la période de la fin du Moyen-Âge et du début de l'époque moderne en compagnie de Jean-Claude Merviger et de Michel Poret.